La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Faites-vous partie des arachnophobes qui seraient nombreux dans la population? Autrement dit, avez-vous peur des araignées? La simple évocation de cet animal peut provoquer chez certains d'entre nous des réactions particulièrement marquées avec tous les symptômes de la peur, avec l'augmentation du rythme cardiaque et de la respiration. Mais nous ne sommes pas tous égaux face à une araignée. Si certains d'entre vous vont prendre leurs jambes à leur cou, d'autres resteront totalement impassibles. Avec mes invités, nous allons remonter aux origines de ces peurs et surtout vous donner quelques outils pour y remédier. Et j'attends bien sûr vos messages et vos témoignages, vos beaux conseils également sur franceinter.fr et sur le mot-clé LATAC. Héloïse Rambert, bonjour. Bonjour Mathieu. Aujourd'hui à la Une de la Science, Héloïse, on parle de Christophe Colomb, des Indiens d'Amérique et de variations climatiques. Oui, comme ça, a priori, on ne voit pas trop le rapport, ouais. Mathieu. On parle en fait d'une toute nouvelle étude qui fait le lien entre la mort massive des Amérindiens à l'arrivée des colons au 15e siècle et le refroidissement climatique de l'époque. On va expliquer tout ça. Oui, on a besoin d'explications. Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons le rendez-vous Science Grand Format de France 5 qui sera consacré ce soir à la planète Jupiter. Étienne Bertin réalise cette émission préparée par Irène Menahem. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. La peur des araignées, ce sera donc dans un instant le dossier de l'émission avec mes invités que je salue, la biologiste Christine Rollard et la psychiatre Aurélia Schneider. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bienvenue. Christine Rollard, vous rencontrez tellement de personnes phobiques des araignées que vous avez décidé d'écrire un ouvrage entièrement consacré à cette question. Oui, oui, tout à fait. En fait, je reçois des phobiques ou des gens qui ont des peurs plus ou moins marquées. On va peut-être pas aller jusqu'à la phobie à chaque fois. Oui. Et c'est vrai que du coup, j'ai eu envie d'aller plus loin et de montrer ou d'expliquer des choses en fait en tant que biologiste. Ouais. Mais les gens viennent au Muséum National d'Histoire Naturelle. Non, moi, je voudrais rencontrer la dame qui s'occupe des araignées. C'est un petit peu ça. C'est vrai. À un moment donné, en fait, dans leur approche du monde des araignées ou de leur objet phobique, ils ont besoin effectivement d'en parler. Donc, quand ils arrivent à faire le pas de venir me voir ou de me téléphoner, déjà, ouais. C'est quand même c'est pas si mal, un pas très important. Et ils peuvent venir d'eux-mêmes ou éventuellement envoyés justement par des psychiatres ou des psychologues qui les suivent. Ouais. Vous avez reçu des patients d'Aurélia Schneider, par exemple? Tout à fait. On a un lien là depuis quelques années. C'est vrai. Aurélia Schneider, vous aussi, évidemment, vous voyez passer beaucoup de personnes dans votre cabinet de psychiatre qui ont des peurs d'ailleurs liées aux animaux en général. Oui, alors j'ai toutes sortes d'animaux qui font peur. J'ai les serpents, les pigeons à Paris, beaucoup classique. De phobie de pigeons. Ouais. Héloïse, à votre droite, chiens. A peur des serpents, m'a-t-elle dit tout à l'heure. Voilà. Les araignées, c'est quand même un grand classique. Puis j'ai toutes sortes d'autres phobies passionnantes. Oui. Pas que des animaux. Alors, vous n'êtes pas spécialisée là-dedans, mais enfin quand même, vous savez bien répondre à ces questions. Oui, parce qu'il y a un process un peu général dans le traitement des phobies, et qui est d'ailleurs remarquablement indiqué dans l'ouvrage, qui concerne les araignées, mais qui en fait pourrait être, disons, transposé à pas mal de phobies que nous appelons phobies simples, mais qui pour les patients ne sont pas des phobies simples, puisque c'est toujours hyper angoissant. Mais ces phobies uniques, avec un objet de phobie unique, votre livre est transposable aux pigeons. Oui. Exactement. Bon, pas avec votre compétence, effectivement, sur les araignées, mais qui est un monde extraordinaire quand on veut bien se donner la peine de lire votre... Voilà. Donc même si on a peur des pigeons, on peut écouter cette émission. On peut transposer dans sa tête c'est le ça. Mot. C'est ça. Exactement. Christine Rolla, il ne faut pas minimiser d'ailleurs toutes ces peurs liées aux animaux, parce qu'elles sont sérieuses. Bien sûr, oui. Et puis elles sont quelquefois justement très handicapantes, dans la vie quotidienne, et ça bloque un certain nombre de personnes qui souhaitent par exemple faire un voyage ou à l'étranger et qui imaginent tout un tas de choses par rapport justement à ce monde des araignées qui est complètement fiction. Ouais. Aurélia Schneider, mon petit doigt m'a dit que vous-même au départ, ce qui est quand même incroyable, je peux le dire ou pas? Je suis démasquée. Alors, vous aviez peur des araignées? Alors oui, exactement, j'avais peur des araignées, et puis quand j'ai dû soigner mon premier phobique qui d'ailleurs a été... Vous aviez encore peur des araignées à ce moment-là? Et oui, et je dois avouer, il faut quand même que je fasse une petite confession, mais ça fait toujours du bien au patient d'entendre que le thérapeute a lui aussi eu des difficultés, et c'est une bonne chose. Ah bon? Oui, c'est utile pour se soigner, on dit on n'est pas seul et le thérapeute a eu du problème. Donc en fait, je me souviens très très bien que je mettais des petits cadavres d'araignées que je ne tuais pas, qui étaient mortes déjà, dans des pots de confiture vides. et bien fermée, et que je les apportais à l'hôpital, parce que c'était à l'hôpital que je voyais mes premiers patients, et que quelqu'un, une bonne âme, avait mis forcément l'araignée morte dans un petit pot. J'arrivais triomphale à la consultation, je brandissais le petit pot de confiture devant le nez des infirmières horrifiées qui hurlaient, et moi j'étais là, je faisais mon effet. Mais c'est jamais moi qui enlevais l'araignée du bocal, c'était le patient. Donc, je suis... Et puis maintenant, ça y est, c'est bon, je l'ai. C'est une méthode assez directe quand même. Tripoter toute seule. En tout cas, si vous avez besoin, vous pouvez vous allonger à votre tour sur le divan de la tête au carré. Nous pourrons peut-être vous aider. Nous attendons les messages des auditeurs, bien sûr, qui nous rejoignent pour parler d'arachnophobie, mais de bien d'autres peurs liées aux animaux sur franceinter.fr. Voilà, les brèves pour le reste de l'actualité scientifique. L'image est féerique sur un cliché pris par une petite caméra installée sur un microsatellite chinois actuellement en orbite autour de la Lune. Eh bien, on peut voir à la fois la Terre et la Lune. Toutes les deux sont éclairées par le Soleil et apparaissent ainsi comme deux beaux disques. Mais en plus d'être belle, l'image est originale. Au premier plan, c'est la face cachée de la Lune que l'on peut voir. Au second plan, la Terre située à 400 000 km qui paraît toute petite. Et si vous souhaitez voir cette photo, elle est à retrouver sur la page Facebook de l'émission. Les abeilles auraient-elles peut-être la bosse des maths? Dans une étude qui vient de paraître dans la revue Science Advances, des scientifiques leur ont fait passer des tests d'arithmétique. Les chercheurs ont présenté aux abeilles une série de 1 à 5 formes à l'entrée d'un labyrinthe. Et en fonction de la couleur de ces formes, les abeilles devaient effectuer des additions, des soustractions et choisir une direction qui correspond au bon résultat. Et après une centaine d'essais, les insectes semblent avoir réussi à apprendre que le bleu voulait dire ajouter 1 et le jaune soustraire 1, comme quoi en maths, eh bien, ça n'est pas la taille du cerveau qui compte. Et puis les étoiles de mer sont au plus mal. Depuis des années, des dizaines d'espèces sont décimées par une épidémie. Le vétérinaire Joe Gaidos de l'Université de Californie qui étudie le phénomène parle carrément d'apocalypse sous-marine. Le spécialiste publie avec son équipe une nouvelle étude dans la revue Science Advances et elle révèle que la situation s'aggrave encore. La maladie s'attaque aussi désormais à l'étoile de mer Tournesol, qui est vitale pour réguler les écosystèmes. Le réchauffement climatique serait un facteur aggravant du mal qui ronge les étoiles de mer. Dossier sur les araignées dans un instant. De tous les jeux de hasard, de tous les coups du sort, s'en sort, cela nous rend plus fort. Mais je dois dire que celui que je préfère, c'est l'amour. Rien de mieux à faire, rien de mieux à faire. De tous ces jours qui dérapent, de ces nuits de s'en sort, cela nous rend plus fort. Mais toute ma vie, moi j'ai fait tous les efforts et depuis, rien de mieux à faire. Ça m'ennuie, mais rien de mieux à faire, rien de mieux à faire, rien de mieux à faire, rien de mieux à faire. Autant nous laisser aller au va-et-vient de nos vies. Le destin est vague et l'amour infini. Rien de mieux à faire, rien de mieux à faire, rien de mieux à faire. rien de mieux à faire. C'était la voix d'Hubert Mounier à l'instant sur France Inter. La tête au carré, Mathieu Vidard. Donc voilà, c'est mon bâton qui fait un peu plus de 2 mètres, je pense. Et ça me permet de les avoir au plafond et de me tenir assez loin pour être sûre qu'elles ne grimpent pas sur le bâton et qu'elles viennent atteindre ma main, quoi. Voilà mon bâton anti-araignée, quoi. Comme pour de nombreux arachnophobes, cette phobie a commencé pendant l'enfance. Quand j'étais toute petite et qu'on louait une maison en Charente-Maritime qui avait des plafonds qui faisaient 5 mètres de haut. Et sur ces plafonds, il y avait des araignées, mais des grosses araignées noires de campagne, enfin, qui ressemblaient à des mygales, j'avais l'impression, tellement elles étaient grosses. En fait, je passais des nuits horribles, je m'endormais sous le coup de la fatigue à 2-3 heures du matin. Et j'étais avec ma lampe de poche à regarder si elle descendait pas du mur, enfin voilà. J'ai des problèmes pour aller à la campagne à cause de ça, quoi, ou pour aller dans d'autres pays. J'aimerais bien aller visiter quelques pays, mais je sais qu'ils ont des grosses araignées chez eux, et dans le coup, j'ose pas, quoi. Voilà, extrait du magazine de la santé autour de l'arachnophobie, cette peur des araignées qui nous intéresse cet après-midi dans la tête au carré, dont nous allons parler avec vous, Christine Rollard et Aurélia Schneider. Christine Rollard, vous êtes donc biologiste, spécialiste donc de ces petites bêtes, enseignante, chercheuse au Muséum National d'Histoire Naturelle. Et donc, vous avez publié avec Abdelkader Mokedem, « Je n'ai plus peur des araignées », un message positif hein, dès le titre, évidemment, c'est important. Et ce livre est sorti chez Duno. Aurélia Schneider, vous êtes psychiatre et spécialiste en thérapie comportementale et cognitive. Mm-hmm. Et donc, les auditeurs nous rejoignent avec déjà de nombreuses questions sur le site de la Tête au Carré, sur franceinter.fr. Ça commence très tôt, hein, visiblement, on entendait le témoignage de cette personne. Ça peut. Vous recevez des enfants, parfois? Alors, moi, je ne vois pas d'enfants, mais j'ai des collègues qui reçoivent des enfants pour des peurs. Ouais. Ça peut. Il peut y avoir aussi toute une atmosphère familiale de crainte sur certains animaux, par exemple. Ouais. Donc, des transmissions. C'est ça. En fait, c'est souvent... un environnement favorable, on va dire. C'est souvent le problème, d'ailleurs, non, finalement. C'est qu'on entretient quelque chose dans la cellule familiale. Ça peut faire partie des facteurs déclenchants, en tout cas. Christine Rollard, alors, est-ce que les enfants viennent vous voir au muséum de temps en temps? Ben, il y a quelques années, non. Et en fait, je me rends compte qu'il y a une petite évolution par rapport à ça. Et que maintenant, effectivement, il y a des jeunes, hein, donc ados ou pré-ados, qui viennent avec leurs parents, bien sûr, accompagnés. Et qui ont développé effectivement des peurs plus ou moins marquées jusqu'à des phobies, effectivement. Ouais. Mais là, dans ces cas-là, les parents sont très souvent eux-mêmes craintifs de ces pas bêtes forcément. Ou pas? Non, pas forcément. Alors, j'ai pas fait de statistiques là-dessus, mais je dirais moitié-moitié. Hein, grosso modo, et certains viennent, et ça leur fait aussi une thérapie de toute façon, puisqu'ils le disent hein, eux-mêmes, je suis pas très à l'aise moi-même, et donc j'avais des comportements face à l'enfant qui n'étaient pas très positifs. Ouais. Par contre, d'autres disent, mais j'ai jamais eu peur des araignées, je ne comprends pas pourquoi c'est arrivé, donc il y a d'autres facteurs qui sont déclencheurs. Ouais. Alors il y a Marie qui nous dit justement, la phobie des araignées ne vient-elle pas d'abord d'un problème d'éducation? On incite les enfants à en avoir peur. C'est pas à chaque fois le cas. Effectivement, parfois on développe une phobie alors qu'on n'a personne de phobique dans sa famille. Non, on peut dire qu'il y a parfois des vulnérabilités anxieuses. C'est-à-dire on a un terrain plus favorable pour s'inquiéter. Et puis l'animal, ça dépend de plusieurs éléments. Mais il peut y avoir eu des craintes. Par exemple, j'ai une patiente qui avait développé une phobie des papillons. Mais pas des papillons de nuit. La phobie des papillons de nuit est plus fréquente que la phobie des beaux papillons, vous savez, ceux qu'on trouve beaux, ceux qui sont bleus. Et c'était ceux-là dont elle avait peur. Et c'était les beaux papillons, entre guillemets. Ce qu'elle avait passé, c'est une patiente brésilienne. Oui. Et donc au Brésil, il y a ces grands papillons bleus, les mariposa, je crois que ça s'appelle comme ça. Mmh. Et elle avait une tante qui s'était ruée sur elle, parce qu'elle avait dans les cheveux un papillon qu'elle n'avait pas senti. Ouais. Et la phobie a démarré comme ça. Mmh. Et moi, je l'ai vue, elle avait une trentaine d'années, ça faisait 25 ans qu'elle était hyper angoissée avec les papillons. Vous avez réussi à la réconcilier avec les papillons? Oui, on a réussi. Christine Rollard, on parle donc d'arachnophobie. Hein. Oui, on peut revenir sur ce terme exactement. Qu'est-ce qu'il veut dire? Parce qu'en fait, les araignées font partie d'un grand groupe qu'on appelle les arachnides, donc avec scorpions, acariens. Donc on n'est pas chez les insectes. Donc on n'est absolument pas chez les insectes. Voilà. Hein, donc c'est pas de l'entomophobie, je sais pas si ça s'appelle comme ça. La peur des insectes, Mais du coup, on est vraiment sur une arachnophobie et qui se déclenche vers les araignées. Si on était rigoureux, on parlerait d'aranéophobie presque. Oui, parce que c'est que les araignées dans ces cas-là. Et c'est vraiment une peur très très marquée, avec une association d'idées avec cet objet phobique, entre guillemets, donc qui va se déclencher. avec des peurs qui peuvent être marquées et des approches des personnes qui viennent me voir qui sont complètement différentes les unes des autres. Ouais. En fait, vous, c'est exactement le contraire. Vous êtes arachnophile, c'est ça, hein? Oui, oui, oui, je n'avais pas peur des araignées. Mais alors, pas du tout, pas forcément du serpent, ouais. Mais c'était pas forcément tout à fait ça, mais bon, sans avoir de phobie. Et non, je suis pas du tout. Ouais. Mais vous, cette passion, elle est très très ancienne, justement. Elle remonte à votre enfance ou pas? Non, pas du tout. Par contre, la passion de la nature, oui. Ouais. Hein, donc l'intérêt pour la nature, pour la compréhension de la nature et des êtres qui sont dans cette nature comme nous, quoi. Hein, donc d'autres animaux et les relations qu'il pouvait y avoir, oui, toujours. Et les araignées me sont tombées dessus il y a à peu près 36 ans. Ah non, dites pas ça, vous faire hurler nos auditeurs. J'ai fait un peu exprès. L'horrible expression, oui. Les araignées me sont tombées tout dessus. Tout à fait, mais c'est pour déclencher des choses. Il paraît que j'en ai pas mal au plafond, effectivement. Quelle aussi. Horreur. Mais c'est un sujet qui m'a été proposé sur justement les relations entre les insectes et les araignées. Donc les insectes qui mangent les araignées, il y a plus de 36 ans pour ma thèse. C'est comme ça que vous êtes intéressé aux araignées, voilà, alors, du coup. Oui. Au point de vous spécialiser vraiment. Hein, complètement, maintenant, sur cette question, avec un matériel biologique, entre guillemets, qui m'a fasciné, qui m'a vraiment beaucoup plu, de par justement cette répulsion et cette fascination qui est un petit peu antagoniste sur ces groupes-là, et puis cette diversité que j'essaye maintenant de faire passer. Alors on va raconter ça tout à l'heure parce que vous organisez également des séances de désensibilisation, hein, en lien d'ailleurs aussi avec les psychiatres, hein, qui peuvent vous renvoyer des gens. Oui, pour certains qui m'en envoient, effectivement. Ça peut être absolument intéressant. Au muséum, vous avez une belle collection d'araignées? Oui. Le muséum est quand même un établissement où il y a des grandes collections de recherche. Hein, c'est pas forcément des collections présentées au public. Et pour la collection d'araignées en particulier, on a une des trois plus grandes collections mondiales, hein, avec à peu près 25 000 espèces sur plus de 48 000 connues à l'heure actuelle. Pas mal, voilà. Effectivement. Et vous en découvrez ou on vous en apporte régulièrement encore j'en de nouvelles? J'en découvre lors de mes missions et j'en ai beaucoup encore dans des tubes, dans l'alcool. Qui attendent d'être classées. Voilà, ah oui, c'est fait. Ça. Oui, donc certaines fait. Que vous ne connaissez pas. Exactement, en fait, dans différents pays. Et même en France, on en trouve encore des nouvelles. Hein. On trouve des nouvelles espèces, à peu près 200 chaque année dans le monde entier. Ouais. Aurélia Schneider, donc je le disais, hein, vous êtes psychiatre. Hein, et donc, au départ, vous aviez peur des araignées vous-même. Oui, voilà. Vous êtes totalement guérie, docteur, ou pas? Oui, c'est-à-dire qu'en réalité, maintenant, je me dis, oh là, celle-là, elle est grosse. Oui. Et puis, en fait, je travaille, ça va faire... bondir aussi tout un tas de pauvres patients qui pouvaient espérer venir me voir un jour. Je travaille dans un petit jardin. Mmh. Et donc je suis en entresol. Et je suis dans une zone où il y a énormément d'araignées. Mmh. Et donc je les ai vues derrière des cartons, des bouquins qui sont entreposés. Ouais. Et je leur fous la paix parce que sinon je passerai ma vie à courir après. Donc je sais en fait qu'il y a des araignées chez moi. Et je ne vais pas à leur recherche, ce qui est quand même, pour le phobique, très bien. Voilà, c'est ça l'idée. C'est quand vous on avez est phobique, fait des progrès, oui. J'ai fait d'énormes progrès. Quand on est phobique, en général, on a une peur panique de ne pas savoir où se trouve la bestiole. Oui, c'est souvent ça qui est évoqué. Et l'araignée, aussi, comme elle file très très vite sur ses pattes, c'est une des grandes, par rapport à cette dame là qu'on a entendue tout à l'heure, c'est quand on ne sait pas où elles sont. La plupart du temps, mes patients me disent, je déteste les voir, mais lorsque je ne les vois plus, c'est pire. Tout à fait. Et en réalité, voilà, moi je ne les vois plus. Donc je crois que j'ai vraiment progressé. Excusez-moi, mais effectivement, c'est peut-être pas une très très bonne publicité, mais les patients qui viennent vous voir pour se soigner de leur peur des araignées, ils sont au courant que vous êtes entouré de plein d'araignées ou pas? Je ne suis pas sûre, je le dis là comme ça. ça peut servir pour déjà se désensibiliser. Il y en a toujours un peu, surtout à certaines périodes. Il y en a où elles naissent, où il y en a davantage, où elles sont plus ou moins grosses, parfois elles sont plus petites. Oui, bon. Ça dépend des espèces, effectivement, des périodes. Périodes. De vie, bien sûr. Ouais. Est-ce qu'il y a des zones alors? Parce que Aurélia Schneider laissait penser qu'il y avait des zones à araignées, mais c'est vrai ça ou pas? Non, il n'y a pas vraiment de zones. Zone à araignées, en fait, les araignées peuvent, ce qui n'est pas facile à entendre aussi pour des phobiques, se trouver partout. Hein. Donc, dans la nature, à différents niveaux de végétation, à différentes aussi latitudes, et puis dans des endroits abrités. Nos habitations sont des endroits abrités, donc elles bien peuvent sûr, s'y mettre, et donc on en trouve partout, effectivement. Ouais. Et ça court vite, vraiment, une araignée alors? Ça dépend des espèces. Ouais. Hein. Donc, il y a des espèces qui sont très placides, qui vont avec une vitesse de déplacement très tranquille et d'autres qui sont hyper, hyper rapides. Donc c'est très variable selon les espèces, on ne généralise rien avec les araignées. Est-ce que vous vous souvenez de Récréa 2 quand vous étiez plus jeune? Oui, ça va vous rappeler des souvenirs, en tout cas à toute notre génération. C'est vrai. Et il y avait un dessin animé autour de Spider-Man, justement, et il y avait la fameuse chanson de Spider-Man. On va en écouter un petit extrait. D'accord. Spider-Man, l'araignée! l'araignée, lui le plus fort, le justicier. Il se bat et il gagne, car le mal, son rival, toujours étouffe dans sa toile. Voilà, et tous les quinquas de ce studio à peu près réagissent évidemment. Ah oui, ça fait bouger. Ouais, là. La jeune génération évidemment ne connaît pas ça, mais c'était la chanson de Spider-Man. Ah bah oui, complètement. Voilà. Ouais. Et ça peut être joué pour votre passion future des araignées, non? Qu'est-ce qu'il en est? Plus ou moins dans l'inconscient, oui, ouais. C'est possible. Aurélia Schneider, on dit que 40% de la population française aurait peur des araignées. Alors évidemment, c'est une estimation, je ne sais pas si c'est vraiment des enquêtes. Ça vous semble un chiffre fiable ou pas? Ça paraît quand même très important, non? En tout cas, je sais que parmi les phobies, c'est probablement celle que je soigne le plus fréquemment. Ah oui, quand même. Il y a beaucoup de phobies d'animaux, j'ai régulièrement des phobies d'animaux qui viennent me voir, mais le plus souvent, et ce que j'ai le plus soigné dans mon travail, ce sont les phobies des araignées. Ouais. Alors, vraiment des handicaps pour les personnes qui sont atteintes de ça? De toute façon, nous arrivons en fin de course. C'est-à-dire qu'un patient qui se décide à venir voir un thérapeute comportementaliste pour une phobie, il sait très bien ce qu'il attend, entre guillemets, et ce qui le terrifie, c'est que nous allons à un moment travailler sur l'exposition. Mmh. Donc en général, les patients arrivent quand ils ne peuvent plus faire autrement. Et donc il y a un handicap. Ouais. J'ai comme ça soigné une dame qui avait à peu près 55 ans, qui est venue assez tardivement dans sa vie, de phobie qui était phobique depuis toute petite. Et elle m'a dit, mais je viens parce que mes deux enfants sont partis de la maison et que maintenant, je ne peux plus rentrer dans ma cuisine s'il y a une araignée. Et donc, ses fils qui chassaient les araignées étaient partis tous les deux de la maison. Et donc, elle se retrouvait parfois à ne pas pouvoir rentrer ni dans sa salle de bain, ni dans sa cuisine, mais pas du tout. Et donc là, c'est handicapant. Et donc, elle s'est tout à fait soignée et elle est repartie contente en pouvant non pas élever des araignées, mais aller dans toutes les pièces de sa maison et ne plus s'inquiéter de ce qu'elle allait trouver en ouvrant la porte. Donc ça crée de vrais handicaps quand même, Christine Rollard. Ah oui, complètement. J'ai des exemples un petit peu similaires par rapport à des gens qui sont venus me voir et qui ont même dormi dans l'hôtel à côté puisqu'ils ne pouvaient même pas rentrer chez eux sachant qu'il y avait des araignées en fait dans l'habitation. Et ils n'avaient personne sous la main pour arriver à enlever justement cette araignée. Donc là, dans ces cas-là, il faut faire quelque chose. Allez, si vous êtes arachnophobe, venez nous rejoindre cet après-midi dans la Tête au Carré, car nous avons des clés également pour vous aider. On va en parler dans un instant. Et puis bien sûr, on reçoit vos messages et vos témoignages sur le site de l'émission franceinter.fr. Et tout de suite, c'est Jean-Louis Murat avec Je me souviens. Bon après-midi avec nous. Je me souviens d'une terre brûlée alentour, d'une vallée de larmes où chacun cherchait l'amour. Je me souviens des frémissements les plus légers. Je me souviens. En demi-conscience, j'allais au fond des ténèbres. Sous ta robe blanche, la nuit est surnaturelle. Je me souviens d'une voile tendue au fond de la nuit. Je me souviens. Je me souviens d'un monde dans l'univers. Je me souviens de l'appel de la lumière. D'une dame en noir qui gifle le loup des mers. Je me souviens. Je me souviens par l'abri dans l'obscurité. Je me souviens de l'altitude où je me trouvais. Je me souviens boire dans un même ruisseau. Je me souviens. Je me souviens d'un assassin dans la montagne. Une digue, un pont, la bataille de Wagram. D'une milanaise et d'un qui vient à mourir. Je me souviens. Je me souviens de matins passés hors de France. Je me souviens du regard des gens de Florence. Je me souviens de savantes mains de bourreau. Je me souviens. Je me souviens que le cœur frémit d'amour, que l'amour s'en va si orgueil avec amour. Je me souviens qu'on me déshabille à la nuit. Je me souviens. Je me souviens du parfait vassal que j'étais. Pensant ta voix basse, pourquoi veut-elle me tuer? Je me souviens comme agité de tremblement. Je me souviens. Je me souviens que le père venait de mourir d'une armée anglaise piétinant mes souvenirs. Je me souviens de Murat aux portes de Naples. Je me souviens. Je me souviens. Je me souviens, je me souviens, je me souviens, je me souviens, je me souviens, je me souviens. Et c'était Jean-Louis Murat à l'instant. La tête au carré sur France Inter. Voilà, Christine Rollard, notre invitée avec ce livre « Je n'ai plus peur des araignées chez Duno » écrit avec Abdelkader Mokedem et Aurélia Schneider, psychiatre, et bien sûr vos messages, toutes vos questions sur le site de l'émission, elles sont nombreuses. Jean-Paul qui demande si les araignées, Christine Rollard, sont utiles dans une maison, est-ce qu'il est mauvais de s'en débarrasser? Vous non, d'ailleurs, il y a un adage populaire qui dit qu'une maison avec des araignées est une maison saine. Oui. Alors, bien sûr, en référence avec nous et avec notre image, en fait, de la propreté. Oui. Mais c'est l'araignée qui assainit l'habitation. Hein, et donc, elle se nourrit d'un certain nombre de petites bestioles qu'on peut avoir dans la maison, des acariens, des mites, etc. C'est un insecticide naturel. Donc, elle est utile dans la maison, mais aussi à l'extérieur, en tant qu'insecticide naturel. Oui. Donc, il faut la chérir et lui laisser sa petite place dans la maison. Il faut la laisser tranquille et la laisser vivre comme elle le faisait depuis déjà 300 millions d'années, donc largement avant nous. Ah oui, c'est ça, oui. Même avant les dinosaures. Hein. Avant les dinosaures, oui, tout à fait. Donc elle a évolué dans sa diversité, dans sa technique, ses techniques de capture de chasse, dans sa reproduction, dans sa diversité de morphologie, depuis justement 300 millions d'années. Donc c'est une petite perfection en soi. Exactement. Qu'il faut respecter en soi d'ailleurs. Très bon jeu de mots. Oui, merci. Je l'ai pas fait exprès. Magnifique. Ah, ça vient tout seul. Exactement. Aurélia Schneider, je suis arachnophobe, nous dit Stéphanie, mais depuis que je travaille dans les jardins, ça me passe. Peut-on se soigner par un contact régulier justement avec les araignées? Oui, désensibilisation. Ouais. Oui, bien sûr, c'est là-dessus qu'on travaille. Quand on travaille, Christine, je pense que vous faites aussi ça avec vos patients, c'est-à-dire que vous, tout doucement, vous introduisez un autre élément. On va en parler, oui. Et donc, la désensibilisation, l'habituation, les thérapies par l'habituation, font qu'à un moment, ça ne pose plus de problème. On ne développe ni plus ni moins que une sorte d'indifférence. D'indifférence, voilà. Tout à fait. En fait, c'est le fantasme qui fait peur, peut-être aussi, non? Oui, la peur d'avoir peur de l'araignée, c'est ça. On entretient bien les peurs dans ces cas-là. La phobophobie, presque. Absolument. C'est ça, François dit, en Australie, j'ai été piqué sur le pied par une red black et j'ai failli en mourir. Une red black ou une redback. Et depuis, je suis devenu hyper allergique aux piqûres d'insectes, notamment les guêpes, mais je vise à la campagne. Il faut savoir vivre avec les insectes. Alors, il y a plein de petites choses à corriger. Il y a beaucoup de choses qui me hérissent les poils, effectivement. Voilà. Alors, mais bon, c'est normal quand on a une méconnaissance. Alors, il a été piqué. Non, on n'est pas piqué. Non, on est mordu, déjà. Donc, il y a une morsure. On n'est jamais piqué par une araignée. C'est quand même deux crochets qui agissent comme des morts, comme un mort. Donc, du coup, effectivement, on parle quand même plutôt de morsure, même si les crochets sont des sortes d'aiguilles. Donc, les crochets, ça pique. Mais ensuite, il faut être vraiment sûr que ça soit effectivement une redback, c'est-à-dire la veuve noire australienne, en fait. Donc, il y a une bande rouge sur le dos. Si c'est le cas, il se trouve qu'effectivement, les veuves noires du monde entier ont un venin assez puissant pour provoquer des réactions chez l'homme, donc qui peuvent être effectivement tachycardie, sueur, etc. C'est pas anodin, mais ça se soigne très très bien. Mais on ne devient pas allergique aux insectes, et puisque l'araignée n'est pas un insecte, voilà, si j'ai donc c'était la dernière partie de la phrase et de l'intervention, c'est ce ne sont pas des insectes déjà, et les venins sont complètement différents, donc c'est pas parce qu'on peut avoir une réaction en fait à une morsure d'araignée qu'on peut être ensuite allergique en fait à des piqûres d'insectes ou des morsures aussi, parce qu'il y a des insectes qui mordent. C'est complètement différent, les venins sont complètement différents, ça n'a rien à voir. Alors on va écouter un reportage qui vous concerne justement, Christine Rollard, puisque vous avez accueilli au muséum notre collaboratrice Irène Menahem, qui a justement courageusement, d'ailleurs je dirais, préparé ce dossier alors même qu'elle est elle-même arachnophobe. Elle était venue vous voir en 2011 pour l'émission Service Public, à l'époque présentée par Guillaume Erner. On va donc la suivre et découvrir un petit peu comment vous travaillez avec les personnes qui ont peur des araignées. Les araignées, c'est même pas que en vrai, quand elles sont à côté de moi, c'est aussi en image, même à la télévision. Dans mes rêves, elles sont gigantesques, c'est des mygales, elles vont très vite, elles sont énormes, elles peuvent sauter, on se moque de moi. C'est le cœur qui se met à battre, je crie. Et qu'est-ce qui vous effraie le plus chez une araignée ? Sa forme, sa taille, le fait qu'elle bouge, qu'elle aille vite, qu'elle aille plus vite que moi. S'il y a une araignée, et qu'il faut que quand même, malgré tout, je dorme dans cette pièce-là, il faut qu'on la tue. Il faut que je voie le cadavre de l'araignée. Donc c'est une menace. Dans les couloirs du département systématique et évolution du muséum, un spécialiste des acariens et des pseudoscorpions passe par là. L'experte en araignées Christine Rollard reçoit Irène dans son bureau. Son but est de briser un fantasme. Les murs sont couverts d'araignées en gros plan, les étagères bourrées de bocaux. Irène tente de combattre sa phobie, les liens sont difficiles à tisser. Au niveau des images, ça va ? Non, parce que sur la porte, il y a des images. C'est juste un objet, en fait, que j'ai vu. Énorme, gigantesque. Mais qu'est-ce que vous associez derrière la taille, alors ? Le côté danger ? Parce que c'est pas dangereux. Hein. Mais pourtant, vous voyez, c'est une peluche, mais... Ça, c'est un truc Halloween. Hein. Alors, tout ce qu'on voit dans les bocaux, ce sont des vrais, c'est-à-dire des araignées qui étaient vivantes, sauf qu'elles ont été mises dans l'alcool et qu'elles sont mortes maintenant. Observez, qu'est-ce qu'elle va vous faire ? C'était noir, c'était velu, c'était épais, c'était... Voilà, on a des pensées pour Irène, évidemment, oui, qui a vécu ça assez difficilement quand même, cette visite, oui, avec difficile. Ce reportage de Raphaël Mantoux. Qu'est-ce qui s'est passé alors ? Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs en général lorsque les gens viennent vous voir ? Parce qu'il y a différentes étapes dans ces séances de désensibilisation. C'est vrai qu'en réécoutant effectivement cette émission, c'est, je me dis que j'ai fait en fait des progrès aussi par rapport à l'approche des patients. Vous ne feriez plus les choses de la même manière ? Je fais quelque chose de beaucoup plus progressif et tout en ayant discuté effectivement avec Irène au départ, je l'ai fait rentrer ou je l'ai confronté un petit peu en fait à des images assez rapidement. Donc du coup maintenant c'est beaucoup plus progressif et c'est quelque chose puisque en préparant justement ça, elle avait peut-être encore un peu du mal avec les images. Ça pourrait être retravaillé de toute façon. Alors comment ça se passe une séance de désensibilisation ? Il y a plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes. D'ailleurs c'est pas quelquefois qu'une seule séance, c'est plusieurs et je reçois les personnes 2 heures, 3 heures, 4 heures dans une séance. Déjà c'est des durées assez longues et je parle d'abord dans une pièce complètement neutre, quelquefois sans bijoux sur moi. Oui, parce que vos bijoux représentent araignées. Des araignées, bien sûr. Ouais. De l'objet, et j'essaye de comprendre ce qui va gêner en fait dans l'approche. Je fais de plus en plus dessiner aussi, et on travaille aussi sur ce dessin pour rentrer en fait déjà aussi dans la morphologie, puisque la morphologie gêne beaucoup, dans ce que sont les pattes, dans ce que sont les yeux, etc. Donc des éléments que les personnes en fait en face m'ont indiqué. Et puis après on va travailler aussi sur le déplacement, sur des modes de vie. Donc il y a toute une approche d'abord dans une pièce neutre, d'accord, sans visuel, sans du coup de contact éventuel avec, et après seulement, quelquefois c'est au bout d'une heure, 2 heures, voire 3 heures, on va rentrer dans mon antre. Mais ça doit être terrifiant quand on a peur des araignées, savoir que de toute façon on va devoir passer par cette étape. C'est ce que je leur dis, à un moment donné, vous savez que vous êtes venu là, vous avez fait ce pas, c'est très important, mais vous allez donc être confronté à la bête. Après on va y aller à votre rythme, et quand vous rentrerez dans ma pièce, après vous vous direz, mais j'avais pas des invasions d'araignées chez moi, puisque ici j'en ai des milliers autour de moi. Et donc vous n'en verrez jamais autant autour de vous quand vous êtes rentré dans ma pièce. Des milliers, elles ne sont pas vivantes. Mais non, elles ne sont pas vivantes quand même. Non, non. Il y en a quelques-unes vivantes, mais naturellement dans un bâtiment. Donc il y a effectivement des araignées qui se baladent tout à fait naturellement au Muséum d'Histoire Naturelle, dans les vieux bâtiments. Mais ensuite, il y en a quelques-unes dans les terrariums, effectivement. Oui. Alors vous passez par des peluches, par exemple, d'araignées, oui. des choses oui, comme oui, ça tout à fait. Ouais. Et les gens arrivent à les toucher ou pas? Pas toujours, mais ça peut être aussi après quelque chose dans lequel ils vont ressentir un bien-être. Donc du coup, ça peut. Il y en a certains qui sont rentrés avec une peluche que je leur avais passée avant, et ils sont rentrés dans ma pièce avec la peluche, en ayant quelque chose qui les rassure. Ouais. Voilà. Mais c'est pas toujours évident parce que j'ai des peluches qui sont pas très bien faites, mais d'autres qui sont très bien faites. Ouais. Aurélia Schneider, alors comment vous y prenez? Évidemment, c'est la parole qui compte dans votre cas, j'imagine beaucoup. Oui, alors pas que. En réalité, donc je pense que vous faites une sorte de thérapie accélérée parce que vous gardez les patients plusieurs heures. Mmh. Moi, effectivement, je fractionne. Mmh. Et c'est un peu une différence, mais à la limite, peut-être qu'en nombre d'heures, ça doit être pareil. Y a des patients qui ne peuvent pas lire le mot araignée dans le dictionnaire. Oui. Moi, des patients, ils sautent la page, ils le disent. Ou qui la découpent. Moi, je connais quelqu'un qui découpe la page où il y a l'araignée. De même que, sur les bombes insecticides, pardon, y a des dessins d'araignées. Et les phobiques que je connais mettent un sparadrap sur le dessin de l'araignée parce que sinon ils ne peuvent pas prendre la bombe dans leurs mains. Et donc il y a toute une phase où on fait écrire ce qu'on appelle une hiérarchisation de la crainte, de la crainte la plus petite à la crainte la plus grosse. La crainte la plus grosse étant évidemment de toucher une araignée vivante. D'accord ? Et on a une hiérarchisation qui peut faire à peu près 50 items. Ça va décrire le mot araignée, à dessiner l'araignée, à voir une image, à toucher un bout de l'image, même pas l'araignée, mais la feuille sur laquelle, etc., etc., jusqu'à l'animal. Et on s'aperçoit que rien que le fait d'écrire la désensibilisation, d'écrire le mot araignée, c'est déjà un premier travail. Et c'est la progressivité et le fait que ce travail s'installe dans la tête du patient comme, à un moment, une évidence d'aller à l'étape au-dessus. Parce que l'étape du dessous, qui était cotée très faiblement, mettons, si la difficulté est cotée sur 5, 1,5 sur 5, elle est passée à 0. Donc le 1 sur 5, il passe à 1,5. Et c'est un effet domino. Et on s'aperçoit que on traite comme ça par une espèce de c'est un fil, là encore, fil conducteur qui nous amène. Et pas forcément au 5 sur 5, parce que on n'est pas spécialement obligé de toucher l'araignée vivante, mais on aura progressé de façon à vivre, cohabiter avec l'animal. C'est vraiment très important justement ça, parce que quelquefois il y a des gens qui viennent en disant « mais j'irai pas la toucher ». Mais j'ai dit « mais de toute façon ce n'est pas le but ». Ultime, chacun fait ce qu'il veut, et dans votre vie, vous n'aurez pas forcément de contact physique avec elle. Donc du coup, le but n'est pas d'aller les embêter, entre guillemets, et donc d'aller les toucher. Sauf que ces séances passent justement par le contact avec ces araignées, et nous allons décrire ce qu'il se passe dans un instant, justement, lorsque le patient est confronté à la bête. Et c'est vrai qu'on emploie beaucoup dans cette discussion les mots des araignées. On parle de soie, de fil, de tissé, et on en discute également avec les auditeurs qui nous rejoignent. Maricopa Duran Jones and the Indications avec Morning in America à l'instant. La tête au carré sur France Inter. Papa, papa! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et derrière une des boîtes, il y a une araignée. Ah bon, une araignée? Elle est venue vers moi, elle est horrible, elle est grosse comme bon, ça. Bon, d'accord, calme-toi, c'est... Maintenant, tu es à la campagne, ok? Viens, allons voir cette araignée. Et prévenons maman qui va s'occuper d'elle. Chérie, on est dans le living room, il y a une araignée qu'il faut tuer. D'accord. Où est-elle? Là derrière sur cette boîte. Super, on va tuer une araignée. Ça porte malheur de tuer une araignée dans une nouvelle maison. C'est toi qui as inventé ça, hein, chérie. Oh, pauvre petite bête. Elle a plus peur de nous que nous n'avons peur d'elle. On lui fait une maison dans la grange? Oui, bonne idée, chérie. Voilà, le film Arachnophobie qui est sorti en 1990, Christine Rollard, évidemment, ça se termine oui. Beaucoup plus mal que ce qu'on entend dans, c'est ça, oui. Dans cet extrait, pour ceux qui souhaitent le voir. Vous souhaitiez, Aurélia Schneider, dire à quel point c'était courageux aussi de la part de ceux qui ont peur des araignées d'écouter cette émission, oui, finalement. Bravo, hein. Ouais. Je vous félicite. C'est vrai. Mesdames et messieurs, mais bien sûr, rien que le mot. Rien que le mot, donc bravo d'écouter. Et il y a beaucoup de questions d'ailleurs. Jean-Baptiste qui nous dit, la peur de l'araignée, est-ce qu'elle n'est pas liée au fait que l'on ne puisse pas distinguer les venimeuses des autres? Ah, très bonne question, parce qu'en fait, je vais répondre à toutes les araignées sont venimeuses. Ah ben super, donc on va pas distinguer quoi que ce soit. En fait, il faut bien faire attention à ce que veut dire venimeux. Venimeux, ça veut dire porteur de venin. Mais ce n'est pas du venin qui est actif sur nous, mammifères, hommes. Donc en fait, toutes les araignées sont venimeuses, ou presque toutes, et le venin n'est pas actif sur l'homme. Donc c'est pas parce qu'on a un animal venimeux avec nous que dans son mode de vie et avec son venin, il va y avoir une action sur l'homme. Sauf qu'avec certaines araignées, ça peut être mortel quand même. Notre auditeur qui nous parlait de l'Australie... Je vais être obligée de dire non aussi, non. Ah bon? Aucune araignée n'est mortelle à proprement parler. En fait, les venins des araignées ne sont pas suffisamment actifs pour tuer un homme. Par contre, il y a de temps en temps des cas de mort, mais dû souvent à des infections, voire des surinfections, et non pas à l'action directe du venin. D'accord. Donc on peut se faire piquer par une veuve noire, par exemple. Mordre, pardon. Oui, mordre par une veuve noire, voilà. Et ne pas en mourir. Oui, bien sûr, il n'y a aucun souci. C'est 10 à 15 cas de mort chaque année dans le monde entier, c'est vraiment ridicule. C'est très peu, et beaucoup moins que les moustiques par exemple, évidemment. Hein. D'ailleurs, Manilda nous écrit, elle a grandi à Kinshasa, et lorsque j'allais chez mes grands-parents, il y avait des araignées absolument énormes, dit-elle. Et lorsque la maison a été rénovée, elles ont toutes disparu, et nous avons été envahis par les moustiques. Est-ce lié? Oui, tout à fait. Donc effectivement, on le disait tout à l'heure, les araignées sont des très bons insecticides naturels, et vont capturer effectivement un grand nombre d'insectes dans leur proie et vont limiter des populations en fait, quelquefois de ravageurs de cultures, voire d'insectes qui effectivement ont des impacts sur la santé humaine beaucoup plus importants. Aurélia Schneider, ce message de Anne qui nous dit « À chaque fois que je vois une araignée, j'ai des frissons, je suis incapable de m'en approcher. Le pire, c'est que si j'ai vu une araignée à un endroit précis, je n'oublie jamais cet endroit et j'ai toujours peur. » Oui, alors il y a chez le phobique une hypervigilance, c'est-à-dire qu'il y a des yeux derrière la tête, un screening de l'environnement à 360 degrés. Et alors les phobiques ont le chic pour trouver ce qui les dérange. Dans la pièce, vous n'avez rien vu. Eux, ils ont tout vu, tout. Et c'est impressionnant, cette hypervigilance, c'est impressionnant, impressionnant. Il y a comme une sorte de sixième sens, je dois dire. Et alors, ça le fait pour toutes les phobies. Et alors, avec bien sûr, quand on couple ça aux croyances du phobique, qui sont souvent des croyances, on a plus ou moins entendu tout à l'heure, mais elle va m'attaquer. Moi, le nombre de patients que j'ai entendu me dire, l'araignée va m'attaquer. C'est sûr que si on imagine qu'il y en a partout, qu'on les détecte et qu'elles vont vous attaquer, la vie devient infernale. Ouais. Il y a aussi cette peur d'en avaler la nuit, par exemple, de respirer, d'en avaler la nuit, ça c'est absolument horrible. Je l'entends souvent, effectivement. Et puis en plus, selon les sources, qu'on ne connaît pas d'ailleurs, en fait, le nombre est variable, mais il va falloir enlever ça de la tête des auditeurs, puisque effectivement, c'est complètement faux, elles ne rentrent pas dans la bouche quand on dort. Quelle horreur. Cécile nous dit, je trouve que connaître le nom et le mode de vie des araignées aide à la cohabitation. Peut-être qu'il faudrait apprendre à les identifier pour mieux les supporter. Ben, c'est exactement ce que vous nous racontez. C'est exactement ça. Moi, agis en tant que biologiste, justement, et j'apprends à mieux faire connaître le monde des araignées. Donc on a souvent peur de ce qu'on ne connaît pas. Mmh. Donc cette partie, justement, de la thérapie, un petit peu, c'est vraiment l'apport de connaissances et aller vers leur monde à elles et se mettre à leur propre niveau. Mmh. Jacques demande, qu'est-ce qui fait peur d'abord chez l'araignée, selon les témoignages que vous recevez? Comme on le disait tout à l'heure, en fait, c'est vrai que c'est très individuel et ça peut jouer sur beaucoup de choses. Donc, effectivement, dans l'ouvrage avec Abdelkader Mokedem, en fait, j'ai essayé de mettre... Il n'y a pas une hiérarchisation à proprement parler, mais il y a des choses qui reviennent régulièrement. Donc, ça va être effectivement les pattes, ça va être les yeux, ça va être le nombre de pattes, ça va être le déplacement. Donc, ça a évoqué régulièrement. Ouais. Et on a entendu dans les reportages précédents, souvent la taille aussi va jouer, la grosseur va jouer, ou le fait que ça soit plus ou moins velu, entre guillemets, parce que les araignées n'ont pas de poils. Mais il y a ça, et après, la dangerosité qui vient avec. Et alors, le moment de la confrontation, justement, pour les personnes, à l'occasion de ces séances de désensibilisation, comment ça se passe? La confrontation est aussi progressive, parce que ça va être aussi la confrontation visuelle d'araignées mortes dans l'alcool, ça va être aussi une araignée morte, comme on le disait tout à l'heure, en fait, dans un bocal, qu'on va pouvoir sortir avec une pince, puis ensuite pouvoir la toucher. Ça peut être aussi des touchés de mue, de peau d'araignée, puisque les araignées changent de peau, donc ça, c'est aussi une étape très importante. Ça va être aussi regarder à travers une loupe binoculaire pour les voir beaucoup plus grosses et rentrer dans leur monde à travers une loupe binoculaire jusqu'à effectivement en voir se déplacer devant nous, donc j'en ai quelques-unes vivantes, et jusqu'à éventuellement l'étape ultime, en fait, en toucher, où on a avoir une qui se déplace sur nous. Nous ne sommes rien pour elle, nous ne sommes qu'un support. Il y a un truc très important aussi, c'est dans la description. Décrire précisément ce que l'on voit permet de se l'approprier. Tout à fait. Et c'est quasiment un cours de sciences naturelles finalement que vous offrez à toutes ces personnes qui ont peur. C'est un peu mon rôle, je pense. Oui, en fait, effectivement, il y a souvent après, je leur dis, mais maintenant c'est vous le professeur. Et tout ce que je vous ai appris, transmettez-le. Et les personnes parviennent à toucher une araignée vivante au bout du processus, vraiment? Oh, je dirais 70%. Ah, quand même. Oui, donc c'est pas mal. Bon, en tout cas, il y a ce livre pour nous aider qui s'appelle « Je n'ai plus peur des araignées ». C'est chez Duno. C'est très, très bien fait. Il y a beaucoup de clés et Aurélia Schneider le valide entièrement. Je l'aime beaucoup. Avec Abdelkader Mokedem, on met évidemment les liens et les références de cet ouvrage sur le site de La Tête au Carré. Merci Christine Rollard et Aurélia Schneider d'être venues cet après-midi. Merci beaucoup. Et merci à tous les arachnophobes qui sont parvenus à suivre cette émission quasiment jusqu'à la fin. La science grand format en partenariat avec France 5. Le cosmos dans tous ses états. Jupiter ce soir à 20h50. Bonjour David Amiel. Bonjour Mathieu. Jupiter qui n'est pas la reine des planètes pour rien, c'est la plus grosse, la plus extrême, et d'ailleurs elle a toujours fait la loi dans le système solaire. Oui, elle est tellement massive, c'est un monstre au diamètre de plus de 140 000 km. Elle est même parfois considérée comme la petite sœur du Soleil, car elle a en fait plus de points communs avec notre étoile qu'avec toutes les autres planètes du système solaire. Et d'après les astronomes, les systèmes à deux soleils sont plus fréquents dans l'univers que le cas de notre système solaire. Oui, effectivement, quand notre système solaire s'est formé, le Soleil a tout de suite grossi très vite, a absorbé jusqu'à 99% de la matière du système, et a fini par s'embraser quand il a atteint les 15 millions de degrés. Mais il ne restait pas assez de matière pour que Jupiter se consume à son tour. Elle est donc restée une géante gazeuse. Et son champ magnétique est immense, et ses radiations tellement intenses, comme on va le voir. Oui, son attraction est si puissante qu'elle fait même chauffer l'intérieur de son satellite Io, qui est pourtant gelé en surface. Sur Io, le soufre est même changé en vapeur et libéré dans l'atmosphère. Et donc sur Jupiter, les éruptions peuvent atteindre 80 km de haut. Ces particules vont entrer en collision dans son atmosphère et vont créer des aurores boréales qui sont très lumineuses. Eh bien, on écoute un extrait de ce documentaire. Le climat sur Jupiter est vraiment extrême. Des vents tournent très vite en boucle autour de la planète, dans une direction, puis tout à coup dans une autre. Parmi toutes ces perturbations se cache une énigme. Un élément qui ne semble jamais changer. Un anticyclone baptisé la Grande Tache Rouge. La Grande Tache Rouge est la tempête la plus longue de l'histoire. Sur toutes les images de Jupiter, on voit des bandes de nuages et cette énorme tache rouge. Son diamètre est environ le double de celui de la Terre. On pourrait faire tenir deux Terres à l'intérieur. Et selon les scientifiques, David, la couleur rouge serait liée à la réaction des gaz aux rayons du Soleil. Et toutes les petites tempêtes qui se déclenchent à proximité se retrouvent aspirées par ce gigantesque tourbillon. Oui, et ça serait la rotation de Jupiter qui permet à l'anticyclone de continuer de tourner depuis tout ce temps. Et de toutes les planètes du système solaire, c'est Jupiter qui tourne le plus vite. Une journée ne dure même que 10 heures. Les phénomènes climatiques sur Jupiter sont depuis longtemps maintenant visibles depuis la Terre, mais les chercheurs commencent tout juste à comprendre ce qui se passe à l'intérieur des nuages aussi. Oui, ces nuages contiennent du méthane, de l'hydrogène, et en fait à l'intérieur, la friction crée des éclairs qui sont chargés d'électricité. Et cette foudre est tellement plus violente que celle que nous connaissons sur Terre qu'elle transformerait même les gaz en diamants. Et bien nous verrons ça ce soir, comment justement à l'université de Cardiff, les scientifiques étudient ce phénomène. C'est Cosmos dans tous ses états. Jupiter nous donne rendez-vous à 20h50 dans Science Grand Format. Merci David, à la semaine prochaine.